Le 12 avril, soit lundi prochain, nous fêterons les 60 ans de l'exploit de Youri Gagarine et de l'URSS qui mettait en 1961, avant les Américains et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un être humain dans l'espace. 4 ans plus tôt, l'URSS, encore elle, envoyait le premier satellite artificiel, Spoutnik, en orbite terrestre, puis le premier être vivant avec la chienne Laïka. 2 ans après Gagarine, c'est la première fan Valentina Tereshkova. En 65, c'est la première sortie extravéhiculaire de Leonov. Et pourtant, ce sont les États-Unis qui remporteront la course à l'espace en 1969, en étant les premiers à envoyer des hommes sur la Lune. Alors, que s'est-il passé ? Conquête spatiale, l'avant-garde russe, c'est le programme précurseur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer l'histoire de cette aventure spatiale russe, de ses débuts prometteurs jusqu'à bien peu ou prou aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Sourbès-Verger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheuse CNRS et spécialiste des politiques spatiales et nous sommes en ligne avec Alain Sirou. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de la rédaction de Ciel et Espace et auteur notamment de Les Hommes de la Lune, Les Enfants de la Génération Apollo avec Jean-Philippe Ballas et c'est aux éditions du Seuil. Mais on retrouve pour commencer la pionnière de l'actualité scientifique quotidienne, c'est bien sûr Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence par cette nouvelle, Natacha. Hier soir, le CNRS a lancé la plateforme Mobiliscope, qui est un nouvel outil qui permet de cartographier la composition sociale d'un quartier, d'une ville, à toute heure de la journée. Et est-ce qu'un quartier est plus fréquenté par des cols blancs ou par des cols bleus, par des femmes ou par des hommes? Et quels sont leurs modes de transport? Alors, grâce au Mobiliscope, un outil en ligne de géovisualisation, on peut désormais observer, heure par heure, la composition sociale d'un territoire et son évolution au cours de la journée. L'outil couvre 49 agglomérations, un tiers des communes de France, soit 65% de la population. Alors pour sa conception, les géographes et géomathématiciens du CNRS se sont appuyés sur de vastes enquêtes publiques sur les déplacements de plus de 700 000 personnes. Sur cette plateforme, on peut par exemple observer des inégalités spatiales entre les femmes et les hommes, comment certaines zones deviennent, selon les heures, majoritairement masculines ou exclusivement féminines. On peut aussi suivre la ségrégation sociale, des phénomènes de gentrification ou de paupérisation, ou comment les classes les plus riches ou les plus défavorisées sont celles qui se déplacent le moins sur les territoires. Ce nouvel outil est précieux pour les chercheurs, pour les acteurs publics ou pour les curieux, est gratuit et disponible en ligne. Et évidemment, le lien est disponible d'ores et déjà sur notre fil Twitter @lamedefc. Vous pourrez le retrouver tout à l'heure sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon la dernière modélisation de l'épidémie de Covid-19 par l'Institut Pasteur, en septembre, il n'y aura pas de retour à la vie normale. Et selon les chercheurs de Pasteur, en septembre, on peut s'attendre à ce que 25 à 35% des Français soient infectés par le SARS-CoV-2, ce qui est très en dessous de l'immunité collective. Alors pour relâcher totalement les mesures de restriction, sans dépasser le seuil critique de plus de 1000 admissions par jour à l'hôpital, il faudrait que 90% des plus de 65 ans soient vaccinés et 70% des 18-64 ans. Or, selon les dernières données de Santé publique France, on est loin du compte. Les intentions de vaccination sont de 79% pour les plus de 65 ans et de 36% pour les 18-24 ans. En d'autres mots, le retour à la vie d'avant, l'assouplissement des mesures dépendront du rythme de la campagne de vaccination. Et puis, il reste la question de la vaccination des plus jeunes. On en parlait lundi dans la méthode scientifique et on vous met le lien sur notre fil Twitter comme d'habitude. Selon une étude, Natacha, parue hier dans la revue Physical Review Letters, le comportement étrange des muons suggère l'existence d'une nouvelle physique des particules. Oui, le débat autour des muons est ouvert. Alors, est ouvert. Le muon est une particule cousine des électrons, et comme toute particule chargée électriquement, les muons tournent lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique. La fréquence à laquelle ils tournent est prédite avec grande précision par le modèle standard de la physique des particules. Or, lors d'une expérience internationale menée au Fermilab, les chercheurs ont observé que les muons tournaient légèrement plus vite que prévu. Selon ce papier, cette anomalie dans le comportement magnétique du muon suggère des lacunes dans le modèle standard. Mais pour le moment, il n'y a pas assez de données pour prouver qu'il existe de nouvelles forces ou de nouvelles particules au-delà du modèle standard de la physique. Et enfin, Natacha, selon une étude parue dans la revue Nature Geoscience, les deux tiers des terres agricoles mondiales sont menacées de pollution par les pesticides. Mais pour cette modélisation, des chercheurs australiens se sont appuyés sur le taux d'utilisation de 92 molécules dans 168 pays. Selon eux, 64% des terres agricoles sont exposées au risque de pollution par pesticides, dont 31% qui sont considérées comme des zones à haut risque de contamination. Alors parmi ces zones, la Chine, le Japon, la Malaisie et les Philippines, alors que certaines de ces régions sont considérées comme celles qui nourrissent une grande partie de la population mondiale. D'après ce papier, la surutilisation des pesticides risque à l'avenir de déstabiliser les écosystèmes et de dégrader durablement la qualité des sources d'eau. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine. L'histoire a retenu que les grands gagnants de la course à l'espace sont les États-Unis avec cet exploit du 21 juillet 1969 et l'envoi d'êtres humains sur la Lune. Mais si l'on y regarde de plus près, cette victoire est un peu, pas tout à fait, mais tout de même un peu, une victoire à la Pyrrhus, parce que dans cette course à l'espace, l'URSS partait avec une bonne longueur d'avance. Premier satellite artificiel en 57, première sonde lunaire en 59, premier homme dans l'espace en 61, première sortie extravéhiculaire en 65, premier atterrissage réussi sur la Lune l'année d'après. Alors que s'est-il passé? Pourquoi les Russes ont-ils été coiffés au poteau par les Américains? Il y a évidemment plusieurs explications à cela et c'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure. Mais l'un des éléments d'explication est peut-être la différence d'approche de l'espace des deux nations, en tout cas au début de cette course à l'espace, parce que pour les Russes, eh bien, cette conquête est au moins dans un premier temps une histoire militaire. Écoutez le général Skriller, qui est le chef d'état-major général de la stratégie de l'OTAN. Il s'exprime au lendemain de l'envoi réussi de Sputnik. Nous sommes donc en 1957. I would say that we have attempted to look forward for some time to possible. Nous autres militaires, dit en substance le général Skriller, nous avions prévu depuis quelque temps que les Russes pourraient lancer des satellites et aussi des fusées intercontinentales. Et même le 1er octobre, nous avions rédigé un rapport dans ce sens. Et le 4 octobre, Sputnik 1 était lancé. Cela signifie-t-il une révolution dans l'art militaire? Certainement pas, dit le général Skriller. Il n'y a qu'évolution en matière de stratégie. Et si les plans que le SHAPE, c'est-à-dire l'émanation militaire de l'OTAN, si ces plans préparés sont mis à exécution, la protection de l'Occident sera assurée, conclut le général. Sputnik ou pas Sputnik, fusée intercontinentale ou non, ajouterai-je. Voilà, ce général Skriller, chef d'état-major général de l'OTAN en 1959. On est vraiment dans un contexte de guerre, et de guerre pas tout à fait froide même, quasiment, Isabelle Sourbès-Verger. Oui, alors c'est un petit peu étonnant quand même, parce que Sputnik, il s'inscrit dans le cadre de l'année géophysique internationale, théoriquement. Et si les Américains avaient réussi le lancement de leur satellite Explorer avant les Soviétiques, je doute qu'on ait fait cette grille de lecture tout à fait martiale, finalement, de l'événement. Ceci dit, il est parfaitement exact, hein, et ça a bien été analysé comme ça à l'époque, que ce qui a permis à l'Union soviétique de satelliser la première Sputnik, c'est qu'elle disposait d'un missile intercontinental qui, lui, avait été développé à des fins de dissuasion nucléaire, hein, c'est-à-dire en réalité, à l'époque, on ne parlait pas vraiment de dissuasion, mais au moins pour menacer les États-Unis avec une arme nucléaire, et que ensuite, le génie de Korolev, qui était le père, en quelque sorte, technique du programme spatial soviétique, a été de proposer la transformation de ce missile intercontinental en un lanceur, la différence consistant dans le dernier étage à mettre sur orbite, donc à une certaine vitesse sur son point d'éjection, le satellite, là où le missile intercontinental, lui, vise de faire retomber sa cible. Donc c'était la différence qui, technologiquement, n'était pas majeure, alors que les États-Unis, eux, avaient choisi de complètement séparer leur programme de missile intercontinental, qu'ils avaient aussi, bien sûr, même s'ils avaient déjà des bases en Europe qui leur aurait permis d'attaquer l'Union soviétique, mais le programme spatial, celui de l'année géophysique internationale, était complètement distinct, même s'il était tenu par la marine. C'est peut-être ça d'ailleurs le point de départ, Alain Sirou, hein. C'est cette inégalité géopolitique qui fait que les États-Unis ont des bases en Europe et peuvent frapper la Russie. La Russie n'a pas de base directement encore, ni dans le Pacifique ni dans l'Atlantique, et a besoin militairement de développer à toute berzingue, à toute vitesse, ce missile intercontinental pour pouvoir menacer son ennemi. Oui, sans aucun doute, la fusée est la fille de la guerre. D'ailleurs, le missile intercontinental, finalement, il se développe parce que en Allemagne, avec le programme développé par les nazis et donc par l'ingénieur von Braun, ce sont les fameuses fusées V2 qui vont être produites à un stade industriel. Et n'oubliez pas que pratiquement 3000 lancements de fusées V2 vont faire des milliers de morts, des centaines de blessés, aussi bien en Angleterre, à Anvers, même en France. Et donc c'est autour de cette idée que on possède à ce moment-là un missile qui peut être spatialisé que se développe le programme soviétique. Et lorsque Korolev est envoyé en Allemagne pour récupérer les morceaux des fusées existantes, c'est l'idée de faire une fusée russifiée, en quelque sorte soviétisée, qui va exister. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de départ, et c'est vous pointez Sputnik. Sputnik est très intéressant parce que Sputnik, c'est à la fois, je dirais, le premier élément qui va faire que tout d'un coup l'Union soviétique va apparaître comme étant la première nation à accéder à l'espace et donc disposer d'un statut qu'elle ne possédait pas à ce moment-là. Et en même temps, je dirais presque un hasard de l'histoire. J'ai eu la chance de rencontrer un des adjoints de Korolev. Korolev, on le précise, hein, Sergueï Korolev, c'est le père du programme spatial russe. On va revenir sur lui dans un instant, je vous en prie. Le constructeur général, comme on l'appelait, et Tchertok, Vladimir Tchertok, était un de ses adjoints, m'a raconté que au moment du lancement donc de cette fusée qui a emporté Sputnik, elle devait emporter en fait un satellite scientifique qui n'était pas prêt. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, ce qu'on met au sommet d'une fusée quand on fait des essais, c'est un sac de sable. Mais Korolev, lui, rêvait au sens propre de l'exploration spatiale. C'est là où on voit vraiment que l'importance des personnages existe. Et donc, il a réuni son équipe et il leur a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire de très simple à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au sommet de la fusée? Et très rapidement, l'idée est arrivée d'un petit volume. Oh, c'est à peu près la taille d'un ballon de football, hein, 53 cm, c'est pas beaucoup, avec deux antennes, une batterie, et ils ont installé ça au sommet. Et Tchertok m'expliquait à ce moment-là que eux, les ingénieurs, appelaient ça le jouet de Korolev. Ça les amusait. Il va se faire plaisir. Il va envoyer ça. Et lorsque la fusée donc est partie, que ça a fonctionné, que le Sputnik s'est mis en orbite autour de la Terre et a fait bip bip, avec le succès international que l'on connaît, les ingénieurs autour de Korolev, voyant l'impact que ça avait, ne comprenaient pas en disant mais enfin je comprends pas, disait Tchertok, c'est notre fusée qui fonctionne, c'est pas le jouet. Pourquoi on parle du jouet? Et vous voyez le décalage qui existait entre finalement l'impact qu'a eu Sputnik au niveau mondial et la perception qui était celle de ceux qui le lançaient. Peut-être effectivement, ce qu'on lit beaucoup à ce propos, c'est que il y a tout de même dans les tout débuts du programme spatial russe, et ce que vient de dire d'ailleurs Alain Sirou, avant de constater l'ampleur que ça peut avoir en termes géopolitiques, c'est que bien l'origine est vraiment avant tout une culture militaire, et c'est un programme qui est dirigé par des militaires, pour des militaires en quelque sorte. Oui. Au tout début, hein, Isabelle Sourbazer. Même au tout début, moi, je suis pas tout à fait convaincue, mais l'histoire de von Braun lui-même est un petit peu pareille. Ce sont des gens qui veulent faire des fusées pour aller dans l'espace, au départ. Et les clients qu'ils vont avoir, la communauté qui va être intéressée, qui va leur donner les moyens de réaliser, ce sont les militaires. C'est ça la différence. En Allemagne, parce que le traité de Versailles, finalement, ne permet pas aux Allemands de développer des forces classiques et que donc, du coup, ils vont se tourner vers des forces nouvelles, comme les fusées qui les intéressent, et ils vont commencer très tôt, finalement, à financer ces jeunes équipes, d'Obers et de von Braun. Mais ça existe aussi en France, ça existe aussi en Allemagne, ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi en Russie. Ce qui se passe, c'est que le contexte de la guerre froide fait qu'effectivement l'argent va affluer pour développer ces missiles intercontinentaux. Et ces ingénieurs qui sont des ingénieurs qui rêvent de spatial vont capitaliser et vont utiliser, vont exploiter l'existence de ces missiles intercontinentaux. Mais ça sera la même chose en Chine. En Chine, le programme spatial chinois, il va partir d'abord d'un programme de missiles. Et même en France. En France, notre première satellisation, elle se fait à partir de nos programmes de missiles. Et quant aux jouets, oui, c'est vrai, je trouve effectivement l'anecdote est intéressante. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les mémoires de Chertoff, on les trouve en ligne. Hein. Elles sont, c'est des tonnes, mais des tomes et des tomes, mais c'est très très riche. On va essayer de vous trouver le lien. Oui, oui. Et du coup, cette histoire de jouer, ça prouve aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir se passer et comment on va pouvoir communiquer avec quelque chose qui est au-delà de l'atmosphère. Et donc, ce bip bip, il a le mérite de pouvoir être reçu partout, de faire la preuve, parce que c'était aussi le problème des Russes, c'était d'être sûr que le satellite, il tournait bien et que tout le monde le sache. Mmh. Et donc, des radioastronomes amateurs vont pouvoir capter le bip bip. Et ça, c'est pour eux extrêmement important. Avec un effet pervers, qui est que les Américains, dans un contexte où ils n'ont finalement jamais été envahis, eux vont avoir le sentiment que ce bip-bip qu'ils entendent à intervalles réguliers au-dessus de leur tête, eh bien, il symbolise une potentielle bombe nucléaire. Une menace gigantesque. Une menace terrible. Et là, du coup, ça va concrétiser pour les Américains cette menace, là où, que ce soit effectivement le chasseur de l'OTAN ou Eisenhower ou les Soviétiques eux-mêmes, finalement, d'un point de vue stratégique, il n'y a rien d'exceptionnel. Les essais de missiles intercontinentaux, ils ont déjà été réalisés. Et le spatial, ça ne représente pas en soi la menace, mais c'est vrai que ça va transformer l'imaginaire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de l'aventure du programme spatial russe tout au long de cette heure en compagnie d'Isabelle Sourbès-Verger et d'Alain Siroux. Vous le disiez, hein, l'histoire spatiale, c'est aussi une histoire d'individus. On a dit, vous avez évoqué Alain Siroux, ce Sergueï Korolev. Qui sait pourquoi et comment Korolev va transformer justement ce programme balistique en programme spatial, à sortir de la menace stricto sensu militaire pour vouloir satelliser des objets puis des êtres humains. Ah ben, Korolev symbolise vraiment bien pour moi l'esprit de l'Union soviétique. C'est d'abord un enfant qui naît dans une époque où on développe l'aviation. Et il est fasciné par les hydravions, il est fasciné par tout ce qui vole. Et c'est quelque chose qui est un rêve de jeunesse. Et très jeune, d'ailleurs, il va, d'ailleurs comme son pendant allemand von Braun, s'impliquer dans un groupe qui est un des premiers groupes, qui s'appelle le GIRT, c'est-à-dire le groupe pour la propulsion à réaction, qui, autour de Moscou, fabrique des petites fusées, des petites fusées qu'il lance, avec un certain nombre de jeunes ingénieurs comme lui, qui contribueront d'ailleurs au programme spatial par le futur. C'est là où il se rencontre. Et c'est fondamentalement un ingénieur. C'est quelqu'un qui a la capacité, je dirais, de réunir des équipes, de les fédérer, de les faire travailler ensemble. Il a cette vision de programme, quoi. Donc, c'est un ingénieur passionné, mais qui va, à un moment donné, basculer dans une très grosse difficulté qui est la présence de Staline au pouvoir. Et Staline, lors de grandes purges, déporte un grand nombre de personnes, dont Korolev, qui n'était pas directement visé spécialement, mais il y a des dénonciations, et Korolev, peu de temps avant la guerre, avant le déclenchement de la guerre, va être condamné à 10 ans de bagne dans la Kolyma, donc dans les goulags de la Kolyma. Et la Kolyma, c'est quelque chose de dramatique, de tragique pour les hommes qui sont déportés. Et lorsque la guerre démarre, on se rend compte que finalement, on s'est privé en Union soviétique d'un grand nombre de gens qui peuvent contribuer à la victoire, et en particulier Korolev, qui avait travaillé avec Tupolev, donc celui qui fabriquait, réussissait à fabriquer des avions et en particulier des bombardiers pour attaquer l'ennemi, et rapatrié à Moscou pour aider. Et lorsque l'Union soviétique avec les alliés gagne la guerre, il est envoyé en Allemagne pour récupérer tous les morceaux, ou en tout cas tous les témoignages, et essayer de reconstituer ce que von Braun avait réussi à faire avec les fusées V2. Von Braun qui est parti, faut le préciser, Von Braun qui est parti, lui, de l'autre côté de l'Atlantique, chez les Américains, qui a été récupéré, exfiltré et mis au service du programme spatial américain. Qui est l'artiste. Pas tout de suite, en fait. Il s'est rendu aux Américains. Les Américains, dans une fameuse opération qui s'appelle Paperclip, ont récupéré une centaine de ces hommes, parmi les meilleurs, avec les éléments de fabrication. Mais en même temps, c'est très difficile pour les Américains d'utiliser directement et visiblement tout de suite Werner von Braun pour le développement des fusées. Donc il est un peu en réserve, entre guillemets, ce qui permet à Korolev de reconstituer avec ses équipes les V2 et de fabriquer la première fusée, la R1, c'est-à-dire la fusée russe, qui est une russification de la fusée allemande, et qui va monter petit à petit en puissance jusqu'à la 7e version, la fameuse Zemurka, la R7, qui sera celle qui enverra Sputnik dans l'espace. C'est ça. Alors il y a la création, hein, donc Staline meurt en 53, Khrouchtchev va reprendre le pouvoir, et il y a la création de ce bureau moscovite, le bureau OKB1. Comment est-ce qu'on en arrive justement? Comment est-ce qu'on passe? Comment se fait cette bascule vers la R1 jusqu'à la R7, qui va être réputée comme étant peut-être l'un des lanceurs, l'une des fusées les plus efficaces et les plus sûres de l'histoire de l'aventure spatiale. C'est quoi l'histoire de cette R7, Semyorka, Isabelle Sourbès-Verger? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Union soviétique, donc les gens qui souhaitent le développement du programme spatial, et ils sont nombreux, sont en fait associés à un autre volet qui n'est pas lié au lanceur, mais qui est lié à l'aspect satellite et qui est l'Académie des sciences. Et en réalité, Korolev est très proche des responsables de l'Académie des sciences qui vont, eux, s'impliquer dans la construction de ce satellite. Parce que tout ça, c'est quand même sur fond, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de cette année géophysique internationale, 1957-1958. C'est, des années scientifiques qui se reproduisent à intervalles réguliers et dans lesquelles la communauté internationale envisage de grandes expéditions pour mieux comprendre l'environnement de la Terre. Et donc, c'est assez amusant parce qu'on a en France, par exemple, des déclarations de responsables qui disent « on va quand même passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux que les expéditions géographiques à pied et à traîneau pour aller comprendre ce qui se passe au pôle, etc. » Et là, on va regarder de l'extérieur de la Terre. Et donc, en Union soviétique, on déclare dès 1955 qu'on va aussi participer à l'année géophysique internationale. Qui est donc en 57. Qui est donc en 57. Et la grande surprise, finalement, enfin, l'événement majeur, c'est qu'on ne va pas les croire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'URSS affiche l'option de lancer ce satellite, finalement, la communauté occidentale, elle pense que ce sera les États-Unis qui va y arriver, mais sûrement pas l'Union soviétique. Et donc, du coup, le traumatisme, la surprise va être encore plus grande avec le lancement de ces Murka. Donc, vous avez l'OKB1 qui est détenu par Korolev. À la mode soviétique, vous avez un bureau d'études, vous avez une usine, et puis vous avez la construction des bases de lancement. Et ça, c'est pas rien, parce que les bases de lancement sur le territoire soviétique sont les militaires qui les construisent, et c'est pas des conditions très très confortables, on va dire, ni climatiques, ni d'éloignement. Bref. Et donc, du coup, vous avez cette dimension-là, et en parallèle, vous avez l'Académie des sciences, Korolev contribuant directement au travers de ces grandes commissions interplanétaires, plus les dirigeants militaires, qui, eux, vont valider en quelque sorte le programme avec l'aval du Politburo. Et là où Korolev va être particulièrement important comme acteur, c'est qu'il réussit à se faire entendre au plus haut niveau. Ses lettres sont lues, elles sont lues aussi avec le présidium de l'Académie des sciences, et du coup il va pouvoir promouvoir son programme. Et c'est pour ça qu'on le considère comme vraiment la cheville ouvrière de ce programme spatial. Ce qui fait effectivement un sacré millefeuille, et ce sera intéressant de voir justement comment les États-Unis vont répondre avec un organisme unique qui sera créé l'année d'après par Eisenhower. Un mot, ce que je trouve très intéressant, Alain Ciro, parce que vous avez enquêté sur ces origines du programme spatial russe, vous êtes allé sur place et vous dites quelque chose que je trouve assez formidable, c'est que vous dites que à cette époque-là, la technologie russe est une technologie de paysan. Oui. Racontez-nous ça. Non, mais c'est assez passionnant, je trouve. Mais d'ailleurs, c'est même pas seulement à cette époque-là. Moi, quand je suis allé en Union soviétique, puis ensuite de nombreuses fois en Russie, en particulier à Baïkonour ou dans les usines qui fabriquent Soyouz, donc le fameux lanceur qui a presque volé 2000 fois de suite, hein, sans problème, vous voyez en fait des fraiseurs, des tourneurs, vous voyez des gens qui sont avec des pièces mécaniques, vous regardez les pas de tir, les endroits où sont positionnés les fusées, vous vous rendez compte qu'il y a de l'hydraulique, il y a des ressorts, et ça fait penser très rapidement au vieux Massey Ferguson de la ferme d'autrefois. Ça fait penser à quelque chose qui est une technologie qui n'inspire pas du tout la technologie spatiale, mais ça marche. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir effectivement de temps en temps des techniciens arriver avec une blouse blanche, et puis une perceuse, et puis vous vous rendez compte qu'ils font des trous sur un morceau de fusée, vous vous demandez pourquoi. Et en fait, on se rend compte que dès le départ, finalement, la technologie soviétique est une technologie qui est assez redoutable en termes de simplicité et d'efficacité. Et lorsqu'elle fait des erreurs, alors c'est ce qu'on découvrira par la suite avec le programme, c'est que il y a eu beaucoup beaucoup de casses, c'est-à-dire que pour un lancement réussi, il y en a 9 qui ont échoué. Et 9, c'est beaucoup. Sauf que les soviétiques ne communiquent que sur les succès, donc on a l'impression que ça fonctionne parfaitement. Mais quand on fait une erreur et qu'on réussit à la reconnaître ou à la corriger, et si cette erreur, elle ne peut pas être modifiée dans le fond, alors on va la conserver et on va la reproduire. Parce que ce qu'on s'est réglé quand on a identifié une erreur et qu'on sait le reproduire, est quelque chose qui est considéré comme validé. Donc, c'est quelque chose qui était assez exceptionnel de voir arriver aussi, parce que c'était, à Baïkonour en particulier, la nécessité d'avoir une base spatiale qui soit secrète, qui ne soit pas détectable facilement. Donc, tous les engins et arrivés par train, à partir de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de tas d'endroits où il fallait les assembler rapidement, de façon efficace, et que ce soit le plus possible. Alors, les gens du spatial une expression que j'adore, c'est durci. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur de la technologie, mais c'est ce qui fonctionne, parce que c'est ce qui est capable de résister. Et envoyer une fusée, c'est pas une plaisanterie. À ce propos, Alain Sion, vous disiez même que le premier rover lunaire, hein, puisque la Russie va être la première nation à poser un instrument mobile sur la Lune, c'est ni plus ni moins que inspiré d'une technologie d'un tracteur agricole, quoi. Oui, fabriqué à Saint-Pétersbourg, et ce sont des technologies qu'on connaît bien aujourd'hui, en particulier Lunarod, donc qui c'est ces deux robots qui vont rouler sur la Lune, d'abord le premier pratiquement une dizaine de kilomètres, et l'autre pendant 6 mois sur une vingtaine de kilomètres, sont des technologies inspirées des technologies de tracteurs, donc de chars, et on retrouve vraiment là toute l'inspiration des ingénieurs militaires avec une technologie solide, c'est le qu'on puisse dire. Isabelle Sorbes-Hergé. Oui, mais d'ailleurs, c'est amusant parce que jusqu'à la création de l'agence spatiale russe, hein, en 1993, le ministère qui est en charge de l'espace, c'est le ministère des constructions mécaniques générales. Donc, c'est clairement identifié comme ça. En même temps, c'est vrai que l'Union soviétique, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un pays dévasté, c'est un pays qui a été occupé, c'est un pays où l'appareil industriel, qui n'était déjà pas l'appareil industriel des États-Unis, a énormément souffert. Et donc, cette nécessité, en quelque sorte, de simplification et de fiabilité, elle tient à la fois aux moyens dont dispose l'Union soviétique, qui sont extrêmement limités, et puis, finalement, au fait que c'est un pays pauvre. Et ce budget, par rapport au budget américain, il n'a rien à voir. Et il n'aura jamais rien à voir. Et tout compte fait, fabriquer plusieurs fois la même chose et l'adapter, ça ne coûte pas vraiment plus cher que d'essayer de trouver la meilleure solution et de multiplier des tests bout par bout avant d'agencer. Et la grande différence entre la NASA d'un côté et les organismes en charge, les OKB en charge du spatial soviétique, c'est qu'ils ne vont pas du tout avoir le même environnement, ni scientifique, ni technologique. Et quand les États-Unis vont décider de relever le gant et de remontrer qu'ils sont la plus grande puissance technologique et scientifique, sur fond quand même de décolonisation et, je dirais, d'intérêt d'un modèle qui va l'emporter pour les pays qui acquièrent progressivement leur indépendance, eh bien, tout compte fait, finalement, les États-Unis, eux, ils vont faire le choix de passer de ce qu'on appelait la butter economy, l'économie du luxe, enfin d'une sorte de la consommation, on va dire, à une économie qui devient une économie sinon planifiée, du moins gérée avec des grands programmes et avec un impératif de science et de technologie. Et c'est là qu'ils vont renouveler leur enseignement en incluant beaucoup plus de science et beaucoup plus d'expérimentation. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que ce succès soviétique aura été décisif dans la mise en place de ce grand modèle scientifique et technologique américain. Oui, puisque le Eisenhower donc lance la NASA un an après peu ou prou le lancement de Sputnik. Donc, on en est là dans notre histoire. Le lancement de Sputnik le 4 octobre 1957, c'est évidemment un choc mondial. On oublie que l'exploit est doublé, puisque un mois après, c'est Laïka, à la demande d'ailleurs de l'autorité centrale soviétique. Oui, alors il est doublé et il est d'autant plus facile à reproduire que c'est toujours le même lanceur. C'est ça aussi la grande originalité, c'est qu'il y a ce missile qui a été dérivé en lanceur et dès qu'on est capable de le refabriquer et de retirer, on s'en sert. Et d'ailleurs, dans les premières, vous avez aussi Valentina Tereshkova, la bien première sûr. Femme de l'espace. On va y venir, on va pas l'oublier on va du pas tout. Y revenir. Parce que ce sera d'ailleurs un élément tout à fait de propagande politique du pouvoir russe. Oui, et en même temps, je crois qu'il faut qu'on... Enfin, c'est de la propagande, il n'y a aucun doute, mais il faut voir que les citoyens soviétiques y adhèrent. Ouais. C'est vrai que c'est une immense fierté pour eux, et cette fierté, elle est légitime. Alain Sirou. Il y a aussi, pour moi, vraiment de vraies premières qui sont importantes parce que ce sont vraiment des premières, je pense, en particulier au 18 octobre 59, les premières images de la face cachée de la Lune. Bien sûr. Avec Luna 3. C'est-à-dire que les Soviétiques sont les premiers d'abord à précipiter un engin à la surface de la Lune, ce qui était quand même pas nécessairement trivial à l'époque. C'est Luna 2, ça. Mais surtout, ils réussissent à faire des premières photos de la face cachée de la Lune. Et ces photos vont être absolument déterminantes parce que finalement, elles vont montrer de nouvelles terres. Et les Soviétiques vont fabriquer des cartes du satellite naturel de la Terre qui va se consteller de nouvelles appellations. Je vous donne la mer de Moscou, le cratère Tsiolkovsky, le cirque des Komsomol, ou encore le golfe des cosmonautes. Et vous savez, nommer les choses, c'est se les approprier quelque part. Et ça, c'est à la fois un exploit technologique, parce qu'il fallait quand même réussir à faire ces photos, à les développer dans l'espace, à les transmettre par onde radio. C'était pas simple quand même. Donc ça, il faut vraiment applaudir le fait. Et surtout, ça nomme. Et pour la première fois, les Soviétiques donnent des noms sur des cartes. Et c'est pas des cartes sur la Terre, c'est des cartes dans l'espace. D'où l'importance, encore une fois, sur le plan de la communication, de la propagande, de ce que une nouvelle nation est arrivée, qu'il faut compter avec elle parce que elle nomme dans les étoiles. Et c'est vraiment ces années. On n'est pas encore dans les années 60, hein, je le disais. Donc Laïka en 57, le premier être vivant envoyé dans l'espace, puis le programme Luna, Luna 1, Luna 2, Luna 3, là aussi c'est des grandes victoires et c'est des victoires politiques essentielles qui commencent à changer un peu les rapports de force géopolitiques, ou en tout cas en termes d'image et d'influence de la Russie dans le contexte de la guerre froide de cette époque, Isabelle Sourbès-Verger. Oui, ce qui est surtout important, c'est finalement de montrer qu'un modèle socialiste en retard sur le plan du développement industriel, peut finalement, en faisant porter ses efforts de manière très déterminée sur un domaine scientifique et technique, eh bien, il peut arriver premier. Et c'est ça qui est quand même le grand enseignement et c'est ça qui fascine tout le monde. Et si vous écoutez des radios-trottoirs de l'époque, vous avez des gens qui disent, j'entendais ça récemment en France, à l'époque, qui disent bah, « j'aurais bien aimé que les États-Unis sachent le faire aussi ». Et c'est parce que nous, Européens, on est finalement dans l'idée que c'est quand même choquant que l'Union soviétique arrive à faire des choses mieux que les Américains. Mais pour beaucoup d'autres pays au monde, pour l'Inde, pour la Chine, etc., au contraire, c'est rassurant, c'est encourageant de voir qu'un pays qui n'est pas le pays le plus riche et le plus développé arrive à ouvrir la porte sur un monde nouveau. Et certes, il y aura une propagande et une utilisation, alors là, excessive quasiment par Khrouchtchev qui demande la multiplication des premières à la fin. C'est vraiment, ça retarde même le programme. Mais on peut tout à fait l'entendre parce que dans le contexte de l'époque, c'est finalement ouvrir une autre porte que celle de la voie américaine. Thank you. Dryden de Museau et Roche Noire à 16h35 sur France Culture. Nous parlons du programme spatial russe tout au long de cette heure en compagnie d'Isabelle Sourbès-Verger, qui est géographe, chercheuse de CNRS et spécialiste des politiques spatiales, et Alain Sirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Alors, c'est bien joli de parler de toutes ces fusées, de ces satellites, bientôt même de ces combinaisons spatiales, mais c'est pas mal de les voir aussi. C'est ce que vous êtes allé faire au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Céline Lezenne, bonjour. Bonjour Nicolas, oui c'est vrai, dans les collections du Musée de l'Air et de l'Espace, on peut vraiment voyager dans le temps, celui de la guerre froide, jalonné de cette course à l'espace. Avec Mathieu Bellard, conférencier et responsable du planétarium, on a visité les collections où on peut croiser à l'échelle, en dimension réelle, les plus grandes prouesses technologiques des soviétiques, le Sputnik 1 avec son fameux bip bip, les premiers lanceurs inspirés des missiles V2 de la Seconde Guerre mondiale, des modèles de Semyorka, de Soyouz, des modules habités, les premières sondes spatiales et même le tout premier rover. Une promenade qui témoigne d'une hégémonie soviétique passée, mais dont l'héritage est encore bien présent dans l'industrie spatiale actuellement. Nous avons la chance au musée d'avoir énormément d'objets à l'échelle 1 de la conquête spatiale russe. Alors, évidemment, pas de vrais objets, puisque dans l'espace, beaucoup d'objets sont évidemment toujours dans l'espace, c'est difficile à récupérer, mais des maquettes qui permettent de voir ce qu'étaient véritablement ces objets de la conquête spatiale soviétique. Là, on se rend compte vraiment du gigantisme. Même oui. Si là, c'est un peu un voyage dans le temps. On voit des missiles, il y a peut-être des V2 quelque part. Oui, alors là, on commence évidemment par les débuts de la conquête spatiale. Le vif du sujet des premières inventions, donc la V2, on a une tuyère de moteurs de V2. Et puis au-dessus de ces premières années de la conquête spatiale, eh bien, on a une maquette à l'échelle 1 du Sputnik, le premier satellite artificiel de la Terre, qui a fait ce célèbre bip-bip. Voilà, bien ensuite, ben on a une maquette de la fusée Semyorka, la fusée utilisée par les soviétiques dès les débuts de la conquête spatiale et du lancement du Sputnik, de la petite chienne Laïka aussi, le premier animal en orbite autour de la Terre, et puis le premier être humain en orbite, Yuri Gagarin, qui le 12 avril 1961 était le premier à aller dans l'espace. Alors, en fait, il est là-haut. Là, il va falloir qu'on monte, en fait. Alors, on a des maquettes à l'échelle 1/72 des lanceurs soviétiques, et notamment la Semyorka, qui a cette forme un peu particulière en V, avec ce qu'on appelle les boosters qui sont tout en bas. Et ce lanceur, en fait, est maintenant appelé le lanceur Soyouz. Hein, extérieurement, il lui ressemble beaucoup. Et les vaisseaux Soyouz que la Russie maintenant envoie dans l'espace, eh bien, le lanceur qu'il envoie est basé sur cette base de fusée Semyorka qui a lancé le Sputnik et Yuri Gagarin. Malgré le fait qu'il s'est écoulé 70 ans, bah, finalement, l'allure, en tout cas, le principe de base est très similaire, ce qui montre qu'il y avait une certaine avance, une compétence, un savoir-faire à l'époque que l'Occident n'avait pas forcément. Oui, tout à fait. Quand on a un principe qui fonctionne très bien, voilà, on n'a pas besoin de changer, on reste sur le même. On l'améliore, évidemment, mais on reste sur ce même principe. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on a au-dessus de la tête ? Alors, ce qu'on a au-dessus de la tête, c'est le Vostok. C'est une maquette du vaisseau de Yuri Gagarin, le premier être humain dans l'espace. Donc, c'est dans un vaisseau comme ça qu'il a tourné autour de la Terre. Il a fait une révolution, une orbite, un tour autour de la Terre, à 108 minutes de vol. Donc, il était dans la partie grise, la boule principale. On voit les boules vertes qui sont les alimentations en oxygène. Et une partie un peu technique, en fait, qui est reliée à la fusée. Et qui ne va pas revenir sur la Terre, parce que ça c'est important de le dire, tout du vaisseau spatial ne revient pas sur la Terre. Par exemple, le Soyouz a ce qu'on appelle des modules, ou des compartiments. Il y en a trois en fait, donc vous en avez un qui est technique, dans lequel les astronautes ne peuvent pas aller. On le reconnaît parce qu'il y a des panneaux solaires qui sont attachés à cet endroit-là. Il y a une partie beaucoup plus sphérique à l'avant, qui est un module orbital, et puis ce qu'on appelle le module de rentrée, c'est-à-dire la partie qui est vraiment fait pour revenir et pour résister à la rentrée atmosphérique. Et on a au Musée de l'Air et de l'Espace la capsule, le Soyouz T6, qui est le vaisseau dans lequel Jean-Luc Chrétien, le premier Français dans l'espace, est allé. Alors, il a décollé le 24 juin 1982, Et donc, il est revenu sur la Terre quelques semaines après, le 2 juillet. Et si on regarde par-delà le hublot, on se dit quand même que c'est assez incroyable. Oui, alors c'est assez confiné. Oui, c'est très étroit, oui, effectivement. C'est une capsule triplace, hein, il y a trois places dans le Soyouz, effectivement. Mais il faut s'imaginer, en plus, portant la combinaison, on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place et qu'il ne faut quand même pas être trop claustrophobe. Et ensuite, là, on a parlé des vols habités, hein, lorsqu'on envoie des êtres humains dans l'espace avec le Soyouz, le Vostok à une époque, et puis les stations spatiales. Il y a bien évidemment l'exploration robotique. Et ça aussi, ça fait partie de la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Il y a eu une véritable course pour savoir qui serait les premiers à envoyer alors une sonde vers Vénus ou vers Mars, ensuite se poser sur Mars, mais aussi avec la Lune. Parce que la Lune, on en parle évidemment. Bien évidemment, avec les missions Apollo, les astronautes américains, puisque c'est les Américains qui ont posé des êtres humains sur la Lune. Mais les premiers qui sont allés vers la Lune, ce sont les Soviétiques. Alors, c'est les premiers qui avaient la sonde Luna 3, ont pris une photo de la face cachée de la Lune. Ce sont aussi, et là, on voit deux maquettes de ces sondes automatiques. C'est les toujours premiers. Toujours à l'échelle, là, on précise. Toujours à l'échelle 1, voilà. C'est assez impressionnant en termes de dimension. Voilà, on voit la taille. Donc là, il y a deux sondes qui s'appellent Luna 9 et Luna 10, pardon, et qui sont les premières sondes à s'être posées en douceur sur la Lune et à s'être mises en orbite autour de la Lune. Donc c'est quand même un exploit, hein, parce que c'est pas juste aller s'écraser sur la Lune, on est capable de se poser en douceur. Et Luna Rod 1, en 1970, c'est la première sonde qui est capable de se déplacer sur le sol lunaire. Un rover à 8 roues, du coup. Voilà, c'est alors un petit véhicule. Bien équipé, oui. Voilà, et donc il y a tout un ensemble d'instruments, d'appareils photo, pour pouvoir faire quelques expériences sur la Lune. Alors ce qui peut être intéressant aussi à voir, c'est que quand on est devant ce véhicule, la taille qu'il fait, c'est grosso modo la taille du rover Perseverance qui est arrivé sur Mars à l'heure actuelle. Donc en 1970, les Soviétiques ont été capables d'envoyer un véhicule de cette taille-là sur la Lune. Ben, il a fallu attendre 2012 pour qu'on soit capable de faire la même chose sur Mars. Voilà les différents rovers, satellites, engins spatiaux russes, comme si vous y étiez. Peut-être une réaction simplement. On voit effectivement, vous le disiez à l'instant, Isabelle Sourvès-Verger, quand ils envoient cet énorme rover hein, en 1970, c'est qu'ils ont tout de même une infrastructure, une technologie extrêmement robuste. Et on est en 70, donc on est juste après l'Apollo 11. Oui, l'Union soviétique n'a pas été capable de relever le défi Apollo. Mais ça, elle s'en est très vite aperçue et les sommes qui étaient mises en jeu, le management à l'américaine, le contrôle de qualité et le fait que finalement il y a eu une ligne de fabrication complètement managée de main de maître par la NASA, ça c'était pas le système soviétique. Le système soviétique, il y avait des OKB qui étaient concurrents, il y avait des rivalités auprès du pouvoir central politique pour favoriser telle équipe ou telle autre équipe. Il y a eu la mort de Korolev qui n'a pas arrangé les choses et le lanceur N1 qui n'a pas été capable de fonctionner dans les délais, puisque en réalité, ça n'avait de sens d'envoyer un homme sur la Lune que si vous étiez le premier. Et donc, très vite, l'Union soviétique va changer de pied, elle va favoriser les stations spatiales en orbite circumterrestre, et elle va faire cette exploration automatique de la Lune. Mais la grande différence, c'est que dans l'exploration automatique, vous n'avez pas besoin du même taux de fiabilité que vous avez besoin pour des hommes. Et là où les Américains vont ramener des dizaines de kilos, une centaine de kilos de roches lunaires, les Soviétiques vont ramener des centaines de grammes. Mais ils vont réussir cet exploit qui, à l'époque, est quand même assez phénoménal dans les conditions de ce qu'était l'automatisme des années 70, de poser ce rover, de le faire fonctionner, et de récolter les échantillons et de les ramener sur Terre. Et c'est là que, finalement, on peut parler de la propagande soviétique, c'est une chose, mais la médiatisation soviétique, elle est très mauvaise. Parce que, finalement, personne ne va célébrer cet exploit technique pour ce qu'il est à l'époque. Ça va être vécu comme un échec et comme la preuve qui n'ont pas été réussies Apollo. Et aujourd'hui, quand on voit comment on célèbre le retour des échantillons des sondes chinoises, c'est quand même très étonnant parce que finalement, en 1971, c'était encore plus compliqué. Ouais. On va revenir un peu en arrière dans la chronologie Alain Siroux et notamment sur l'aventure humaine parce que là aussi, les Russes sont pionniers. Gagarine en 61, Tereshkova, donc la première femme dans l'espace en 63, la sortie extravéhiculaire dont la vidéo ne cesse de me fasciner de Léonov en 65, Alain Sirou. Quand on voit les conditions dans lesquelles l'Union soviétique envoie ces personnes dans l'espace, on se demande, est-ce qu'ils étaient très confiants dans la sécurité de leur technologie, parce qu'ils continuent à enregistrer beaucoup d'échecs, hein, Gagarine en 61. Je sais qu'en 58, il y a 28 tentatives de lancement de satellites, il n'y en a que 5 qui réussissent. En 61, c'est des fusées Vostok à ce moment-là, sur les 16 qui sont lancées, il n'y en a que 8 qui réussissent à décoller. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de chance, ou est-ce qu'ils ont été au contraire très confiants dans une technologie qui était devenue robuste pour les raisons que vous expliquiez tout à l'heure dans la première partie de l'émission? Il y a un peu des deux dans la réponse que je peux vous faire, c'est-à-dire que pour avoir eu la chance de rencontrer Alexei Leonov, qui a disparu assez récemment et qui était donc le premier homme à être sorti dans l'espace, hein, le premier piéton de l'espace. Filmé en direct. Absolument. C'était filmé en direct et c'était la première fois qu'on voyait en direct un cosmonaute sortir dans l'espace. Et donc, lorsque Leonov a enfilé son scaphandre, a ouvert la trappe, qu'il est sorti et qu'il a réussi à se dégager de la cabine avec un filin de 5 mètres qui le retenait donc à son siège, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire en termes d'image. Et très rapidement, un problème a survenu. La pression dans son scaphandre a été surévaluée, donc il s'est retrouvé dans une forme d'espèce de bibendum qui n'arrivait plus à fermer les doigts de ses gants et avec une grande difficulté de pouvoir rentrer dans la capsule. Mmh. Et là, à ce moment-là, la retransmission télévisée s'est arrêtée et on a mis de la musique classique. Et tout le monde s'est dit, il est mort, c'est terminé. Bon, sauf que, effectivement, c'était plus compliqué que ça, que Leonov était un personnage assez extraordinaire. Vous voyez le genre de bonhomme avec qui vous partez en mer en vous disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, celui-là, il saura sauver le bateau, quoi. Et donc, il va réussir, ce petit Sibérien très costaud, à faire baisser la pression de son scaphandre en actionnant une valve qui risquait quand même de le tuer. Mais son vol, lorsqu'il le décrit en détail, montre quelque chose qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a en moins de 24 heures 7 incidents qui peuvent conduire à la disparition de l'équipage. Il va perdre en quelques heures 6 litres de sueur, c'est-à-dire 6 kilos. Ils vont atterrir à 2000 km du point d'arrivée en pleine Sibérie à moins 30. Il va falloir plus d'une journée pour les retrouver, etc., etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont eu bien sûr de la chance, qu'ils s'en sont sortis, mais encore une fois, les Soviétiques ne communiquent que sur les succès. Et lorsque le vol de Leonov est enregistré comme étant un succès, la Pravda titre tenez-vous bien Apollo, quoi. C'est-à-dire, nous sommes toujours là, nous sommes toujours les premiers, et vous pouvez toujours attendre. Donc on voit bien qu'il y a de la provocation, même si derrière, finalement, d'énormes moyens sont consentis. Et lorsque Leonov vole en 65, ça fait juste un an que le gouvernement a décidé que la Lune en Union soviétique était une priorité nationale, et donc a investi, si je puis dire, 26 ministères, plus de 500 services étatiques pour développer ce programme qui, le rappelait Isabelle Sourbès, n'aboutira pas parce qu'ils sont trop en retard. Mais il suffit d'aller sur place, si je puis dire, pour regarder encore aujourd'hui, ne fût-ce qu'à Baïkonour, les installations qui ont été montées pour réaliser ces grands programmes avec la fusée N1, avec tout ce qui va suivre, pour se rendre compte que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel en termes de moyens, en termes d'hommes et évidemment en termes de croyances quelque part. Mais alors justement, Isabelle Sourbès-Verger, la question, c'est que là on est en 65. La Russie a quand même capitalisé un certain nombre d'avances à plein d'endroits technologiques, hein, puisqu'il y a les sondes Luna. On a l'impression qu'ils ont toutes les pièces en main qu'il suffit d'assembler pour coiffer quasiment au poteau, parce que les Américains en 65 ne sont pas du tout à cet état d'avancement technologique, ou en tout cas ils ne le montrent pas. Je vais vous laisser le commenter, parce que vous me faites des gros yeux. Mais enfin, on se demande quelle est l'étape, parce que après Leonov, la Russie, c'était le programme Voskhod, de la Russie n'envoie plus personne et ne vole plus pendant 2 ans. Est-ce que c'était, je veux dire, le dernier baroud d'honneur? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à assembler toutes ces pièces, tous ces moments et toutes ces réussites pour réussir une mission lunaire habitée? Oui, alors déjà, quand même, quelquefois, ils communiquent sur leurs échecs. Hein, et c'est la grandeur de l'homme soviétique. Moi, je pense à Komarov qui est mort lorsque sa capsule, finalement, son bouclier thermique a fondu. Et on a communiqué sur la mort de Komarov qui, jusqu'au bout, a donné des paramètres, etc. etc. Donc, ils savent aussi quand même communiquer sur les échecs. Mais, et puis, il y a une autre grande question qui est la relation de l'homme à la machine. Et ça, ça va être toujours le débat entre les ingénieurs et les cosmonautes. Est-ce que finalement, la partie faible de la machine, c'est l'homme, parce qu'on ne sait pas trop comment il va réagir, ou est-ce que la partie la plus glorieuse de la machine, c'est l'homme, parce qu'il va être capable de sauver une situation. Ça, c'est un vieux débat. Pour ce qui est, si vous voulez, de pourquoi ils n'ont pas, par rapport à la course à la Lune, ils sont restés derrière, en réalité, la grande différence, c'est l'argent. C'est tout simplement les milliards qui vont être mis en place de dollars par les États-Unis qui en ont fait un programme phare. En 1961, Kennedy déclare pas seulement on va aller sur la Lune, derrière il déclare il me faut un satellite de télécommunication qui sera capable de retransmettre au monde entier en direct les images d'Apollo. Et donc là on voit bien quand les États-Unis se lancent dans le programme qui deviendra Intelsat de télécommunication spatiale dans le monde entier, qu'il y a des secteurs complets avec de l'électronique et une sophistication que les soviétiques ne maîtrisent pas et ne maîtriseront pas. Donc si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas comparer le programme Apollo avec tout ce qu'il a signifié de financement, de priorité et justement de mise en place d'un grand programme de management. C'est vraiment le début des grands programmes et de la gestion des grands programmes et c'est assez exceptionnel. Avec cette leçon que les États-Unis ont appris quand même de l'Union soviétique, c'est qu'il faut prévoir de la planification. Et ça, c'est très intéressant. Et finalement, l'Union soviétique, ils vont continuer à bricoler par OKB, parce qu'il faut quand même préciser que comme le système soviétique est un système qui fonctionne à l'intérieur de l'industrie de défense, il est très militarisé et les institutions ne se parlent pas entre elles. Et donc vous allez avoir des duplications, vous allez par exemple avoir un choix sur le type de propulsion cryogénique, liquide, etc., etc., où chacun des instituts va mener sa propre barque et va aller jusqu'au bout pour être finalement celui qui va l'emporter. Et ça, aux États-Unis, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un chef de file, c'est la NASA, et ensuite derrière, tout le monde est aligné pour produire. Donc ce basculement, il est là, il est dans une espèce de conception moderne d'un programme technologique de haute technologie, et ça c'est l'inverse de ce que décrivait Alain Sirou avec cette conception d'une mécanisation qui est une mécanisation robuste avec les moyens du bord, avec l'argent dont on dispose, et surtout avec les machines dont on dispose. Parce que derrière, il y a toute la question des machines-outils par exemple, il y a la question de la production, il y a la question des alliages. C'est très compliqué de faire des alliages qui résistent à des ergols très toxiques, etc., etc. Donc c'est là qu'on mesure que finalement l'industrie spatiale américaine, c'est pas l'industrie spatiale soviétique. Et ça, ça va s'inscrire dans le marbre pour les 30 ans à venir. Mmh. Alain Sirou, à ce propos, comment est-ce que vous le disiez ? Finalement, c'est la planification, on l'a bien entendu, l'organisation, mais in fine, bien juste une différence de gros sous. Alors, une chose, je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, et une chose que je veux ajouter, qui me paraît extrêmement importante, c'est la division. C'est-à-dire que au lieu de se rassembler, les soviétiques vont se diviser. Et au lieu d'avoir un seul programme lunaire qui concentrerait tous les efforts, finalement, il y en a deux, et peut-être même trois. C'est-à-dire que Khrouchtchev étant quelqu'un qui... il le disait d'ailleurs, ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, va favoriser le développement d'une concurrence à Korolev. Et quelques années après le lancement de Sputnik, Korolev est certes toujours le constructeur général, mais il n'est plus seul. Il y a un deuxième programme qui est un programme conduit par un ingénieur qui s'appelle Tchelomei et qui est lui un militaire et soutenu par les militaires. Il faut pas oublier que les militaires n'aiment pas les cosmonautes. Ils trouvent que c'est de la gesticulation. Que en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir lancer des missiles, mais les cosmonautes, ça a un peu tendance à les distraire. Donc, ils soutiennent Tchelomei, lequel a en plus l'intelligence d'employer le fils de Khrouchtchev. Donc, vous voyez que il y a des arguments et c'est une branche qui aboutira à la construction d'une fusée qui s'appelle Proton et qu'on connaît bien aujourd'hui et qui avait pour objectif de tourner autour de la Lune, non pas de s'y poser, mais de faire un vol circumlunaire. Et puis, il y a une troisième branche, enfin bref. Si vous voulez, les efforts pour moi sont divisés et la division est institutionnalisée. Ce qui fait que, avec le retard de la perception, puisque les Soviétiques ne croient pas que les Américains vont aller sur la Lune, en tout cas pas avant 64, ils considèrent que c'est vraiment sérieux, ils vont prendre un retard considérable, fabriquer plusieurs fusées, se perdre dans des programmes extrêmement compliqués, tenter de lancer toujours en continu de plus en plus vite et de plus en plus d'échecs. Et ça se terminera par un gigantesque et énorme gâchis. Et avec cette question qui est que, évidemment, les Russes ratent l'être humain sur la Lune, mais les Russes continuent à réussir des choses incroyables, et notamment la mission Venera. Ils envoient, et ce sont les seuls jusqu'à présent, à avoir déposé un instrument à la surface de Vénus. Comment est-ce qu'on explique finalement que l'histoire ne retiendra que de cette conquête spatiale que c'est une victoire américaine? Comment est-ce que vous expliquez en un mot, pour conclure, Isabelle Sourbès-Verger, que les Russes soient à ce point-là laissés de côté par l'histoire, alors qu'ils ont tout de même continué, et d'ailleurs, je pense qu'on refera une émission pour la suite, pour parler des stations spatiales, du succès de Soyouz, etc., pour parler de 70 à maintenant. Comment on estime que... Comment vous comprenez-vous cette amnésie historique? Je ne suis pas sûre que cette amnésie, elle existe partout. Hein. Je pense que les Russes, eux, ils restent sur l'idée qu'ils ont lancé Spoutnik, ils ont lancé Gagarine, et que finalement Apollo, ça a été un one shot, que ça a été beaucoup d'argent gaspillé pour rien, que les Américains ont dépensé des milliards de dollars pour aller faire quelques missions et puis ils n'y sont plus revenus. Regardez, on reparle d'y revenir en 2024, ça fait 68, mais 2024, ça fait du temps. Donc les Soviétiques n'ont pas vu ça comme ça. C'est nous avec le monde occidental et je dirais cette quand même dimension extraordinaire symbolique du fait de voir un homme sur la Lune. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne peut que marquer l'imaginaire. Mais pour autant, je ne pense pas que ça efface dans l'esprit de beaucoup de gens. Et après, si vous voulez, l'originalité, c'est les Américains qui ont été capables de poursuivre avec la navette spatiale et avec des grandes missions comme Pionnière, la sortie du système solaire, Voyager, ou des missions sur Mars. Parce que si Vénus a été favorable aux Soviétiques, en revanche, Mars a été plutôt favorable aux Américains. Mais je pense que le secteur spatial soviétique, effectivement, c'est beaucoup de nostalgie, mais beaucoup de fierté aussi. Eh bien, vous savez quoi, on continuera à parler de ce programme spatial russe pour voir ce qui s'est passé justement dans les autres branches du spatial après cette défaite entre guillemets dans la course à la Lune. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux, Isabelle Sourbès-Verger, merci Alain Sirou. On peut vous lire Les Hommes de la Lune, les enfants de la génération Apollo avec Jean-Philippe Ballas, c'est aux éditions du Seuil. Un mot pour vous dire aussi et pour vous remercier, Alain Sirou, parce que vous avez décerné au livre que j'ai coécrit avec Mathieu Lefrançois, L'Espace, chez EPA, le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie 2021. Eh bien, ces deux livres sont toujours disponibles dans la meilleure librairie de quartier près de chez vous. Et puis, merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez, notamment en podcast, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en balado-diffusion. France Culture est la deuxième radio la plus podcastée de notre pays. La méthode scientifique est en bonne position dans les émissions qui sont les plus téléchargées. Donc, encore une fois, merci beaucoup de continuer à être de plus en plus fidèles et à nous écouter en podcast sur vos petits instruments de poche. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve-Étienne Zinlozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Cindy Legrumelec à la technique. Demain, eh bien, c'est justement le camarade Antoine Beauchamp qui prendra les rênes et les manettes de l'émission pour une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche avec un programme. Après le programme spatial russe, vous entendrez parler des ambitions chinoises pour Mars. On parlera également de très très très très vieux poissons et du rôle de l'océan dans la régulation climatique. Voilà, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.